Bonjour à tous, c'est Ludo, et aujourd'hui je vous propose de plonger une toute dernière fois au cœur du Passerine 2010 avec nos trois gladiateurs qui sont Amandine, Circle et JP, qui sont d'ailleurs avec moi. Salut les gars et la fille. Bien le bonsoir. Salut. Bien le bonsoir. Alors nous enregistrons, nous sommes le mardi 8 juin plutôt. Voilà, donc avant de terminer tout ça... Bon, ah mais attends, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes le mardi 8 juin. Bon, ça va, ok, j'irai. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience du pass arène? Alors toi, par exemple, Amandine, au début, t'étais pas du tout PVP, et finalement, je crois que tu t'es prise au jeu. Voilà, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je retire de cette expérience? En fait, ça m'a réconcilié fortement avec le PVP, qu'avant déjà, je pratiquais toute seule, en pick-up, et j'avais tendance à m'énerver énormément. J'étais une vraie rageuse en fait. Et là, ça m'a non seulement réconcilié avec le PVP haut niveau que j'avais plus fait tellement j'avais ragé à bas niveau dans les goulets et les arati. Et là, de jouer en fait avec JP et Cédric, en fait jouer avec des connaissances ou une équipe habituelle, des amis en PVP, c'est quand même super sympa. Et les arènes, c'est pas du tout aussi élitiste que ce qu'on pense, et il y a vraiment moyen de s'éclater un max là-bas, et je pense que je vais continuer dans cette lancée et vraiment me consacrer aux arènes. D'accord. Toi aussi, JP, je crois que t'étais un peu frileux avant de commencer, parce que niveau PVP, c'était pas trop ça. Et ça l'est toujours pas. Enfin, Amandine, je pense, elle a eu le côté... bon, je me trompe pas si je dis qu'elle a été débutante dans ce... débutante, je dirais, au niveau, quoi. Et qu'elle a accroché direct, moi, c'est exactement... Enfin, c'est le contraire... Mon jugement a changé par rapport au PVP. Je me disais c'est vraiment du truc bourrin, c'est vraiment inaccessible. Je me dis que c'est accessible, mais ça me plaît toujours pas en fait. C'est j'ai peut-être la vision un peu trop encore toujours et trop pessimiste du groupe, mais c'est vraiment pas, le PVP en tout cas sur World of Warcraft, c'est vraiment pas mon truc. Bon après savoir si ça changera avec les extensions futures, on sait pas. Voilà quoi. Mais pour moi, personnellement, je ne retenterai pas l'expérience, mis à part si c'est encore une fois un événement comme on a eu le droit, grâce à Blizzard, le Pass Arène à suivre. Dans ce cas, je le ferai bien volontiers, mais le faire tout seul, moi, ça m'a repoussé encore plus à fond sur le PVE que sur le PVP. Ouais, c'est sûr que si t'es pas en team, c'est pas trop intéressant. Ouais. D'ailleurs, Circle, bon, toi, j'ose à peine poser la question, grand adepte du PVP. Ouais, alors j'ai un petit mot à dire par rapport à ça, hein. Moi je me suis bien amusé en général, quoi. Je veux dire, on n'est pas parti avec de grands espoirs, puisque de toute façon on était une équipe premièrement pas super composée, ensuite deux novices. Moi je dirais que les arènes, je suis pas non plus depuis WTLK un grand expert, comment dire, j'ai vu par exemple qu'on a eu 2-3 commentaires comme quoi on était nuls et tout. Je tiens quand même à rectifier le tir, on n'est pas forcément nul, on a fait un reportage, on n'a pas essayé de démontrer, regardez comment il faut être quand on est super bon et tu es là, tu voyez. Donc oui, je dirais qu'il y a quand même une sorte d'élitisme dans le PVP, c'est que contrairement au PVE, il faut que le taf soit fait, c'est-à-dire on doit tuer un boss, d'accord. En PVP, ça devient plus personnel, c'est-à-dire qu'un mec contre qui vous allez vous battre, dès qu'il va vous voir peut-être en tant que chasseur reculer, alors que vous, au lieu de vous retourner, d'avancer dans l'autre sens, il va vous dire « Oh, OMG, comment tu sais pas jouer? Tu fais du backpedal, tu recules au lieu de te retourner. Oh là là, learn to play !» Et il y a quand même un sacré rassemblement de personnes qui n'ont pas compris encore le but primaire du PVP, c'est-à-dire quand même d'être un petit peu bourrin, de s'amuser, de taper. Et qu'il y a quand même, le but principal, c'est de tuer son ennemi. Il y a quand même une forme d'élitisme, en fait. Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, après, on n'a peut-être pas encore mis un assez grand pas dans le PVP au niveau pour pouvoir s'en rendre compte. Mais après, quand on va un peu plus loin, si on se rend effectivement compte, certain élitisme. Après, ça part vraiment dans limite de l'histoire qu'on peut avoir sur Counter-Strike, sur StarCraft, plus tard à mon avis StarCraft 2, ça va être ça. Ce qu'à la fin, pour les gens, c'est... Enfin, je pense pas sur World of Warcraft, parce que les compètes commencent à vraiment avec des dotations assez élevées, mais plus t'avances effectivement dans les compétitions, plus les gens sont vraiment élitistes et ils laissent pas, vraiment pas la place à l'erreur, quoi. Donc t'es débutant, et tu te démerdes entre débutants, quoi. Donc c'est un peu voilà. Puis il faut savoir aussi que déjà nous, on faisait ça pour le fun et parce qu'on est un podcast, donc on n'y allait sûrement pas pour gagner quoi que ce soit. De toute façon, on pouvait rien gagner de base parce que le pass nous était offert. Et je tiens aussi à dire effectivement à ceux qui pensent que en ce qui concerne Cédric, il joue mal parce qu'ils peuvent le penser de JP ou moi, parce qu'en PVP, c'est vrai qu'on est débiles, il n'y a pas de souci là-dessus, on assume. Ah ça, oui, mais... je l'assume clairement, vous pouvez dire mais... que je suis une daube, c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Cédric joue très bien, mais il faut savoir que non seulement il était capitaine de notre équipe et que dès qu'on est rentré en arène, il nous expliquait tout. Donc va expliquer quelque chose à quelqu'un pendant que tu essayes de jouer correctement en arène. Et en plus, une fois que tu as fini d'expliquer, va commenter exactement ce que tu es en train de faire pendant que tu es en train de le faire, tout en disant aux autres ce qu'ils sont en train de faire, pendant que les autres sont en train de dire « Oh mon Dieu, je suis en train de me faire poursuivre !» Voilà. D'accord. Mais c'était ça, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'était un petit peu le bordel parce que ben on est allé comme ça. Demain, on n'avait pas du tout une équipe, on va dire, opti, hein, comme on l'a dit pendant le reportage. Par exemple, pour moi, hein, je veux dire, en tant que chasseur, je serais plus avec Shaman Heal et Paladin DPS Prot, par exemple. Mais bon, c'est pas le problème. C'est qu'il faut se dire, non, on fait un petit peu un... Merci d'ailleurs à Amandine de dire que je joue bien, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais le truc, c'est que on était là surtout pour montrer à justement ceux qui ne sont pas habitués des arènes. Après, on ne dit pas passer votre chemin à ceux qui connaissent. Après, je peux tout à fait une fois avoir envie de faire peut-être un truc plus technique. Peut-être voilà, une vraie vidéo PVP, futur, hein. Mais là, ça n'en était pas une. Au futur, ouais, pourquoi pas. Et montrer qu'au mouse click, je vous pounette, c'est tout. Non, mais je veux dire, voilà. Et puis on verra bien le résultat en fait. Peut-être qu'il y aura encore une petite vidéo d'ici la fin parce que c'est encore pas forcément terminé. Attention. Ta-ta-ta. On n'est jamais à l'abri d'une petite surprise effectivement. Alors tout à l'heure justement, t'en parlais un peu Cédric au niveau ambiance, au niveau arène. Moi j'ai envie de vous demander à tous les trois au niveau de l'ambiance en général hors arène, comment ça se passait entre les différentes nations. Alors vous nous avez dit que ça se fritait un peu. Je sais pas. Pour ce que vous avez pensé, peut-être. Pour moi, ça restait assez cordial, je pense. Les gens se balançaient des pics interlangage parce qu'il y en a qui écrivent très mal anglais. Il y a pas de mystère, on n'est pas tous très doués en anglais. Je trouvais ça plutôt sympa. Puis bon, comme d'habitude, on retrouvait le clivage hors d'alliance, sachant que sur le pass arène, on est tous des ennemis mutuels, qu'on peut très bien se taper contre quelqu'un et le retrouver deux secondes plus tard à la fin de l'arène dans Grimmar. Mais il y avait quand même les allianceux qui, pour le coup, pouvaient parler avec les hordeux, on pouvait lire interfaction, qui ne pouvaient pas s'empêcher de dire « Bouh, la horde, ça sucks, retournez vous coucher, etc. » Donc, quelque part, on n'est pas perdu. Moi, je n'ai pas trouvé ça plus mal qu'un autre serveur, peut-être même plus sympa, d'ailleurs. Ouais, mais ça floute pas mal aussi, hein, parce que moi, la journée, à peu près, j'ai passé deux bonnes heures sur Skype avec Cédric, avec Circle, à essayer de créer mon perso, puis le canal général je l'ai vite coupé parce que le flou de je pense que c'est pire qu'à Dalaran quoi, parce que c'est la recherche de personnes pour le truc. Mais sinon ouais, effectivement l'ambiance générale est plutôt bonne, enfin il y a pas de je veux dire ça part pas dans le pourri, ça pourrit pas, tout va sur une nationalité particulière, tout le monde est gentil sauf dans les arènes quoi, mais sinon ça... c'est normal en même temps. Donc en général le problème c'est qu'il y a un seul canal et c'est ouais. Vrai que quand il y a tous les pays qui parlent dans toutes les langues, toutes les deux factions sur un seul canal, alors vous plaignez des fois que le canal de commerce est floudé, alors là venez pas là-bas hein. Ah oui, non, mais oui. Sur le pass arène, une fois que vous avez votre équipe, vous coupez le canal général. Je pense, ouais. Est-ce que vous avez appris à parler russe ? On peut même plus les voir, quoi. Vous avez appris à parler russe grâce à ça ? Il y a quasiment que l'anglais. Hein. Ah, d'accord. Ouais, je pense que j'ai vu que l'anglais, moi, en tout cas. Ouais, j'ai appris un peu espagnol aussi et de français. Ouais, j'allais dire, voilà, j'ai renouvelé mon espagnol aussi, effectivement. Les serveurs coréens, ils sont sur ce serveur aussi ou pas ? Non, d'accord. Non, c'est que l'Eastern. Par contre, j'ai quand même un petit commentaire, on va dire, à faire. C'est que, par exemple, les. On voit quand même une différence, on va dire, peut-être, de mentalité. Les Anglais, c'est rare qu'en fait, quand on fait un duel ou quoi que ce soit, qu'ils te parlent, qu'ils te disent GG ou quoi que ce soit, c'est fini, se barre. Et voilà. Alors, de temps en temps, alors oui, ils vont te healer, par exemple, un heal qui t'a battu, ce qui est souvent le cas, hein, il va te healer, après il se barre à la rigueur. Mais beaucoup sont vraiment... restent dans leur bulle enfermée, peut-être, je sais pas si c'est le langage ou quoi, ou le petit qu'ils sont timides, mais voilà. Peut-être que les francophones ont peut-être un petit peu, sont plus parlants. Par contre, ça peut aussi amener à d'autres problèmes. Des fois, ils parlent trop. Des fois, ils se permettent un petit peu de trop parler. Enfin, bon, voilà, il y a aussi des anglais, etc. Mais bon, c'est vrai qu'en général, ça va, ça se tient aussi. Ouais. D'accord. Concernant, après, la population, donc les personnes qui jouent sur ce serveur, sont plutôt des joueurs vétérans, des amateurs. Et de manière plus générale, est-ce que le niveau de PVP est élevé? Est-ce que vous avez affronté des très bons joueurs et, ou, à contrario, de très mauvais joueurs? Enfin, il y a... D'après votre expérience, on peut pas dire qu'une personne est bonne ou mauvaise, alors, mais par rapport moi, je peux pas tellement donner mon avis parce qu'en PVP, je m'y connais pas trop. Je pense que c'est quand même Circle le mieux placé pour le dire. Mais est-ce que vous avez rencontré des équipes où vous avez vraiment eu du mal à les tomber? Ah ouais. Enfin, on les a pas tombés du tout, donc voilà. Enfin, c'est pas qu'on a eu du mal à les tomber, c'est qu'on a eu mal tout court en fait. Ouais. Bah, il y a des équipes contre qui on aurait eu une chance, par exemple. Là, après, il y a une expérience ou pas. Et il y a des gars contre qui on aurait pu tomber. Bon, le truc, c'est que quand on commence dès le départ, en fait, on tombe contre des équipes qui sont à peu près à notre cote. Donc, les grosses équipes qui sont à plus de 2000 de cote, on va pas tomber contre eux. Mais on est quand même tombé contre peut-être des très bonnes équipes qui commençaient. Et c'est vrai que là, il n'y a pas l'ombre d'une chance. C'est réglé comme une horloge, ça, on se fait défouiller très rapidement, voilà, ça gère très bien. Après, dans le singulier, on va dire que, bah, personnellement, de moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des bons joueurs. Il y a même des très bons joueurs. Là, souvent, il y a des gars très sympathiques aussi, liés à ça, et il y a aussi des très mauvais joueurs. C'est-à-dire, mauvais joueurs dans le côté ne savent pas jouer ou testent une classe, voilà, ou mauvais joueurs, donc mauvais perdants aussi. Je veux dire, moi, des fois, ça m'énerve parce que ben, y a des bugs des distances avec le chasseur, des bugs de pet, enfin, il y a plein de trucs. Mais c'est pas le fait de perdre contre une certaine classe ou quoi. C'est que voilà. Mais par contre, il y en a certains, le fait de perdre, alors ils aiment pas du tout. Tu fais traiter de noob alors que tu viens de le battre. Bon, après, j'ai quand même 2-3 personnes dans ma BL. Après, au niveau comportement, je sais pas si on peut virer sur le comportement ou pas, puisqu'on en avait parlé, ambiance. Oui. Je quand même, petite dédicace, hein, je suis quand même tombé contre la bande de Zouf de Kirithor, contre qui je me tape avec ma guilde, qui n'ont pas pu s'empêcher de faire des emotes, des taunts, des whispers ensuite, parce qu'ils ne m'aiment pas et qu'ils ont espéré me faire rager. Personnellement, bah, s'ils m'entendent, je vais leur dire que je l'ai. Enfin, je m'en fous. On ne dira rien, mais pour montrer quand même qu'il y a quand même des gens qui voilà n'ont rien compris au but de la chose, qui sont là, qui font plus attention à ce genre de choses, et qui au final, j'ai été regarder leurs codes, sont vraiment pas bons quoi, sont pas meilleurs que nous, parce qu'on a quand même fait du 2v2 avec Amandine, hein, on a quand même un petit ratio de 45% de matchs gagnés. Hein, ah ouais, l'air de rien. Si on devait continuer, on pourrait peut-être même s'améliorer, hein, c'est pas si mal. Donc en fait, même si on est des joueurs qui débutent, on va dire, dans le PVP, on a quand même plus ou moins nos chances du moment qu'on connaît un minimum sa classe quand même. On va pas se faire poutrer en chaîne. De ça, après, il y a la réactivité et un certain mécanisme. Et mais le on comportement a l'avantage... en équipe aussi. Voilà, le jeu d'équipe, et on a l'avantage de démarrer avec un stuff égal à tous, en fait, les meilleures pièces. Donc ça aide aussi. Donc quelque part, on a quand même de ce que nous on a vu, le niveau PVP est le même que sur un serveur normal. Mais comme te dit Cédric, nous on n'aura jamais l'occasion de jouer de toute façon contre les gens qui sont les mieux cotés. Donc on peut pas dire. D'accord. Si j'ai joué contre The Hunt qui était très très bien coté et que j'ai battu. Ah, mais je veux dire très facilement d'ailleurs en duel. Je voulais dire en 2v2 ou 3v3. Oui, bah là c'est clair qu'on pourra pas. C'est rare. Bon, et pour en revenir sur votre expérience maintenant à vous-même, qu'est-ce qui vous a le plus plu donc dans ce Passarène 2010? Et même question, qu'est-ce qui vous a le moins plu? Alors, on va commencer par Amandine, honneur aux filles. C'est gentil pour une fois, toi. Ouais. Ah, je m'y attendais pas, tiens. Je me suis amélioré. Je me disais, tiens, je vais réfléchir à ce que je vais dire pendant que JP parle. Donc là, c'est mon tour, donc je ne réfléchis pas. Alors, qu'est-ce qui m'a plus plu Sans surprise, c'est pas très novateur et ça va pas apporter grand-chose à la discussion. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, forcément, c'est de... Parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, jouer avec Circle et JP, quand même. Parce qu'on anime un podcast ensemble, mais au départ, on n'était pas du tout des mêmes serveurs. On n'avait pas eu l'occasion de jouer tellement ensemble, plutôt séparément. Enfin, par exemple, j'ai déjà joué que avec JP, j'ai déjà rencontré que Circle. On n'avait pas eu l'occasion de jouer réellement ensemble en équipe ou de faire des donjons. Donc moi, ce qui est sans surprise, en fait, ce qui m'a plu, c'est de me rendre compte que le PVP, quelque part, peut être fédérateur et que quand on est en arène, on est tous dans la même... Voilà. Et qu'on doit s'en sortir le mieux possible en essayant d'avoir un max de cohésion. Et je me suis vraiment éclatée. J'ai beaucoup rigolé. De toute façon, ça se voit sur la vidéo qu'à la fin d'une arène où on s'était démarré comme des manches. Mais en même temps, je me rappelle que cette arène-là, Circle a crié « Bon, cette fois-ci, on fonce, c'est uniquement pour prendre des vidéos. » Donc le résultat, on connaissait déjà dès le départ. Je me suis retrouvée à la fin toute seule à être... en vie au milieu de l'arène et les trois autres contre moi qui me regardaient bien en face. Et en fait, j'ai fait tout le tour de l'arène en continuant à me soigner, rien que pour voir combien de temps j'allais tenir. Et j'ai tenu assez longtemps. Et pendant ce temps-là, je chantais la chanson qu'on entend dans Benil qui faisait ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Et je rigolais toute seule. Et en me voyant faire ça, en fait, ils ont ri avec moi. Alors on s'est tapé une grosse barre sous Skype, quoi. Et c'était vraiment cool. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça en PVP. Je veux dire, même l'équipe adverse, il devait être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle peut pas se laisser mourir comme tout le monde ou quoi. Enfin, on s'est tapé des bons trips, quoi. C'était sympa comme tout. Et donc, qu'est-ce qui t'a le moins plu maintenant? Alors moi, ce qui m'a le moins plu, c'est totalement personnel, c'est de voir que déjà sur les... le Passarène n'est pas un serveur RP, c'est un serveur normal, donc les gens peuvent choisir les jeux, les noms qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Ce qui m'embête, c'est que déjà sur les serveurs RP, on a des noms pourris. Sur les serveurs pas RP, il y a des noms encore plus pourris. Alors là, ce qui m'a pas plu, c'est de constater qu'il y a des gens qui payent 15 euros pour entrer sur le pass arène et qui sont capables de nommer leur personnage Mange mon caca, quand même. C'est horrible. Et je vous jure que c'est vrai. Petite dédicace au prêtre qui s'appelait comme ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a que nous pour faire ça, quoi. Je veux dire, j'ai pas vu un seul pseudonyme anglais qui voulait dire un truc débile. En même temps, les connais pas. Bah ça va, je maîtrise assez bien l'anglais. Et les autres, ils avaient des noms, mais RP, sans rire, ils avaient des noms RP. Et nous, on avait genre grosse pouf, mange mon caca. Enfin, ils avaient carrément un joyeux aussi, non, je crois. Ah non, mais c'était. Et donc, je me dis, voilà, alors bon, les gens, on leur donne la possibilité d'être sur un nouveau serveur, de se créer une nouvelle identité, de choisir peut-être un pseudo qui est déjà pris sur leur serveur d'origine et de se faire plaisir. Et voilà ce qu'ils mettent comme nom à leur personnage. Ouais, c'est clair. C'est vrai que là, c'est pas très glorieux. Ça renvoie encore une mauvaise image des Français à l'international. Hein, voilà, je me dis, plus. On passe encore pour des cons, merci. Toi, JP, de ton côté, qu'est-ce qui t'a le plus et moins plu? Ce qui m'a le plus plu, effectivement, le fait de jouer avec Circle et Amandine. Ça, c'était super. Enfin, effectivement, la seule fois que j'ai joué avec Amandine, c'était pour lui rusher un cheveu. Donc, effectivement, c'était pas très. C'était il y a longtemps. Ouais. Super excitant, quoi. Ouais, non, ce qui m'a vraiment le plus plu. Donc, comme certains le savent déjà, j'ai joué à Guild Wars avant d'aller sur World of Warcraft. Et Guild Wars, c'était typiquement le jeu avec un PVP nerveux comme il y a sur World of Warcraft avec les arènes. Et j'ai retrouvé la sensation, en fait, quand on gagne un match, le sentiment de fierté de se dire putain, je suis rentré au balèze. Ouais, je les ai pourris en face. Et c'est ça qui m'a fait. Mais je sais pas, j'ai été super fier de moi. Même c'est si vrai, je me souviens. T'entendais JP derrière, t'entendais le sourire, quoi. Putain, je sais. Non, mais là, je suis en train de sourire comme un con devant mon ordi, mais bon, c'est tant pis. Mais effectivement, c'est le fait. Ouais, c'est ça, c'est de te dire, les mecs en face, peut-être c'était des daubes, j'en sais rien. C'est possible, les mecs, sont, à un moment donné, il y a une couille dans leur stratégie, j'en sais rien. Et là, tu gagnes, tu te dis, mais putain, mais comment je suis trop fort, quoi. Tu leur ai mis la misère, et puis voilà, et t'as le fait aussi d'avoir un perso 80 avec tout le stuff et tout. Putain, ça fait du bien, c'est beau à voir. C'est pas tous les jours. Ouais. Voilà. Et ce qui m'a le moins plu, c'est le fait que ça soit du PVP. Non, je rigole, mais c'est je sais pas, en fait, c'est peut-être le fait qu'ils te. Les joueurs. Bon, c'est peut-être une coutume parmi les joueurs de PVP, et c'est qu'on te demande même pas en duel, on te balance la fenêtre en plein visage. T'acceptes, et soit si tu refuses, on t'insulte, tu vois, c'est. J'apprécie moyen déjà quand je suis sur le serveur PVE. En PVP, bon, je peux me dire que c'est à peu près normal. au moins demander quoi, un petit côté poli. Je veux pas non plus qu'on me lance des fleurs, mais bon, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est limite voilà. Quand même. Tu vois, on te balance la fenêtre et puis si t'acceptes et que tu te fais pourrir, bah mec, il va pas te. Voilà, il te dit rien, il te dit même pas GG. Par contre, si tu refuses, bah là, c'est bon, c'est. C'est puis comme si c'était toi qui avais volé son yaourt quand il était petit à la con. Tu vois, allez, comme l'histoire de l'éléphant, tout ça avec la pub, je me rappelle. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Et pour finir, bah, toi, Circle, qu'est-ce qui t'a le plus et moins plu ? Alors, le plus dans ce système, en fait, c'est comme bah, on avait déjà un petit peu parlé, c'est cet aspect que pour le PVP. C'est à plein de gens de tout partout, en fait, qui font des duels partout. C'est vivant. On a le meilleur stuff. On peut tester vraiment de savoir si on joue vraiment bien, puisqu'il n'y a plus de différence d'équipement. Bon, et différence de classe, comme je disais, mais on peut tester aussi d'autres classes. Ce qui peut conduire aussi à avoir des espèces d'aberrations. Hein. Je vais pour ma part tester un stuff chasseur, mais full endu. C'est-à-dire que j'ai mes certis enchantés que endurance, avec 38k PV, c'est assez rigolo, contre les war def. Hein. Quand même. Ils rigolent vachement moins, les war def, d'un coup. Et ce qui m'a le moins plu, ben, disons qu'il y a quand même un côté où les gens s'en foutent un peu. Puisque de toute façon ce serveur ne durera pas. Et c'est peut-être un des trucs qui me plaît pas, c'est que ce serveur ne dure pas. Qu'on n'est pas un serveur justement only PVP comme ça qui dure non-stop en fait, avec des tournois consécutifs. Ça serait, n'empêche, une très bonne idée que Blizzard pourrait creuser par la suite. Et donc, ouais, ce qui m'a le plus, c'est que les gens s'en foutent un petit peu de ça, donc peuvent se permettre des fois d'être un petit peu insolent, impoli ou quoi, comme à certains. Après. Quelque chose qui m'a pas plu, bah pas. Ouais, enfin, ce qui m'a pas plu dans le général, c'est vraiment certaines vraiment inégalités par rapport aux classes. Par rapport à certaines classes au niveau maximum, au niveau équipement maximum, il y a certaines classes qui franchement sont intuables. On a bien vu par exemple Amandine dans notre petit film qui, ça a duré peut-être 5 minutes, restait toute seule contre 3 gars qui lui burstaient dessus et elle tenait très bien le coup, quoi. Et pourtant, voilà. Elle est débutante. Enfin, je dis pas comment dire, elle est nulle, mais bon, elle n'a pas encore les réflexes de quelqu'un qui pratique le PVP tous les jours, quoi. Voilà. Ouais. Bah, en même temps, je pouvais que me soigner et pas espérer leur faire quoi que ce soit, donc. Non, c'est voilà, sûr. Oui. D'accord. Bon, bah, en gros, ça, on reste quand même sur notre positive. C'est vrai que moi, je n'ai pas participé, mais enfin, tout ce que vous avez mis et vous écoutez également maintenant, ça m'a vraiment donné envie d'y aller, au moins d'aller faire un tour pour l'ambiance. Et je voulais finir, en fait, sur une petite note, personnellement, qui m'a assez étonné. C'est qu'en fait, donc, sur ce type de serveur, donc, on a déjà un personnage niveau 80 tout prêt, avec l'équipement, tout ça. Et donc, ce qui est plutôt mis en avant, c'est la façon de jouer. Et moi, ce qui m'a très étonné, c'est que les add-ons sont autorisés justement sur ce serveur. Alors, pour moi, c'est un peu, je trouve, quand même une aberration, parce qu'on doit privilégier donc la façon de jouer, alors qu'il y a certains add-ons qui donnent un avantage certain en fonction de sa classe. Alors, tu permets... Attends, je déroule le tapis rouge pour ce... Voilà. Alors, voilà. Vas-y, on t'écoute. Donc, attention, j'arrive. La minute rage, c'est maintenant. Alors, la minute rage, ben ouais, en fait, c'est, les gens vont peut-être pouvoir me traiter de rageur ou quoi. Mais c'est vrai, en fait. Ce que Ludo a dit en introduction, c'est vrai. Normalement, on est censé confronter notre capacité à jouer. Alors, j'admets que certains add-ons peuvent rentrer en compte dans une capacité à jouer, puisqu'il faut gérer certains add-ons. Mais le problème à prendre en compte, c'est que déjà, les compositions, par exemple, on a cité la composition Rogue Mage Prêtre, qui est déjà over-cheatée en arène, par exemple, et le fait que certains add-ons sont vraiment des add-ons d'assister. Alors, les add-ons de gestion des crowd control, en fait. Il y a des add-ons de, par exemple, je citerai un add-on comme Gladius, que nos confrères d'Azeroth.fr ont mentionné également, en fait, un add-on qui est, semble-t-il, un must-have pour faire des arènes, qui permet de ne pas décibler une cible et de pouvoir faire, par exemple, un CC sur une autre cible sans avoir déciblé celle-là. C'est par exemple un des add-ons. Il y a beaucoup d'add-ons, en fait. Je sais que beaucoup J'ai eu de tout en fait. J'ai des gars contre qui je suis tombé et qui m'ont limite pris pour un imbécile, puisqu'ils me disaient j'utilise pas d'adoge. Je leur disais attends, le cerveau humain c'est rapide, c'est bien, mais il y a quand même une limite. Et il y a des trucs que j'ai vus où c'est franchement du no limite, quoi. T'as des gens, ils ont une réactivité au-delà de celle d'un robot, quoi. C'est quand même, faut arrêter, faut pas abuser. Et je pense franchement que, en plus, les add-ons profitent plus à certaines classes qu'à d'autres. Les classes qui sont PCC, justement, vont profiter de certains add-ons, justement, comme Gladius, pour avoir gardé, entre guillemets, une sorte de cycle, même si ça n'existe pas vraiment en PvP, mais garder une sorte de continuité dans leur DPS ou quoi. Tout en pouvant placer peut-être que ce soit des heals en focus ou des CC. Et ça, donc, c'est un petit peu dégoûtant puisque bah, d'autres classes ne peuvent pas. Ensuite, bah, le fait est que justement, pourquoi autoriser les add-ons en JCJ ? Enfin, en tournoi surtout, et dans un truc qui est censé mettre tout le monde à niveau égal, je le demande. Et franchement, il y a des fois où, quand on a fait avec Amandine des arènes 2v2 déjà, il y a des moments où on était vraiment effaré de voir certaines personnes jouer vraiment d'ailleurs, qu'à sur ça. Ce point-là, effectivement, je me souviens parfaitement qu'on était tombé sur une composition mage-prêtre en 2 contre 2. Et je me rappelle tout à fait que je n'avais strictement rien pu faire et que je sais que ça n'était pas seulement parce que j'étais novice, parce que j'ai vu mon personnage contrôler de A à Z, sachant que normalement, certains contrôles, enfin la plupart des contrôles sont dégressifs. Plus ils sont utilisés, moins ils sont efficaces, moins ils durent longtemps. Et je me souviens m'être fait ship et fear, et un ship, bouton à la suite pendant presque tout le temps. Et je m'étais fait la réflexion, à un moment, j'ai claqué ma bulle et tout de suite, je me la suis fait dispel. Ensuite, je me suis repris un chip. Et là, j'ai utilisé le bijou, le médaillon. Voilà, ouais. Et je me suis dit, tout de suite, dans la seconde, dans la milliseconde, je dirais presque, je me suis repris un mouton. Alors, je me suis dit, à ce moment-là, c'est pas un mec, c'est pas juste un mec derrière, c'est un mec avec des add-ons. Parce que je veux bien que le mec soit vachement rapide et qu'il puisse tout de suite, ok, claquer un truc dans la seconde. Comment est-ce qu'il a su, par exemple, qu'à ce moment-là, il devait se douter, on va dire, que j'allais utiliser soit la bulle, soit le médaillon? Comment ça se fait qu'il a réussi à me re-ship dans la seconde quand j'ai utilisé le médaillon? Comment ça se fait que le prêtre a pensé à me dispel dans la seconde quand j'ai utilisé la bulle? Est-ce qu'ils se sont dit, bon, à ce moment-là, elle va faire ça? Non, c'est pas possible. Ils pouvaient pas savoir si j'allais faire l'un ou l'autre. Donc, tout en continuant de DPS sur Circle, voilà, m'enlever direct la bulle, me remettre le ship une fois que j'avais fait le médaillon, c'est juste pas possible. C'est forcément, il y a un add-on qui leur a indiqué que j'avais utilisé ça. Parce que sachant que la dissipation, il y a un minimum de cast, c'est pas instantané. Ouais. Bien sûr, même le chip aussi, et surtout bah, le problème, c'est que justement, comme dit Amandine, il continuait à me focaliser moi. Donc en fait, ces personnes peuvent donc focaliser la personne, voir ce que la personne est en train de faire, et aussi ont une sorte de faux focus sur l'autre personne, voient ce que la personne a à faire, ont des avertissements selon les add-ons. Attention, trinket used, etc. Machin. Et juste en faisant un mouse over sur la cible ou en cliquant droit avec la souris sur l'add-on, le personnage qui apparaît dans l'add-on, suivant le bouton qui est utilisé, shift-click, contrôle-click ou quoi que ce soit, peuvent donc placer un card control très rapidement tout en continuant à focaliser l'autre cible. Et donc, après, il y a justement une gestion de ces add-ons, parce que moi, vous mettez cet add-on maintenant, je ne vais peut-être pas jouer mieux puisque je ne sais pas l'utiliser, mais une fois on a appris à utiliser ces add-ons, en plus c'est vraiment un gros plus. Alors soit il faudrait alors à la rigueur les intégrer au jeu, comme ça on se dirait bah ça fait partie du jeu, voilà. Soit je suis désolé, mais quand il y a un tournoi donc qui est censé c'est un tournoi, ça devient quand même plus officiel. Il faut à la rigueur interdire les add-ons, ou que quand la personne passe en mode JCJ ou rentre dans une arène, les add-ons se désactivent. Voilà. Parce que je trouve ça injuste que les add-ons, quelque part, leur donnent, on va dire, des rétroviseurs, dans le sens où ils peuvent surveiller tout ce qui se passe, même s'ils ne sont pas en train de le regarder, tout en pouvant continuer à faire exactement ce qu'ils sont en train de faire, tout ça en cliquant sur un ou deux boutons. On voit bien que ce n'est pas un mec derrière, on voit que c'est, on va dire, c'est une machine, quoi. C'est un mec plus des add-ons, ce n'est pas juste son skill. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, en fait, ça donne leur réflexe et... Bah, on avait testé, j'avais testé par exemple bah, avec un druide. Un druide, ça peut cyclone. Et j'ai vu des druides qui, dès qu'ils sont, par exemple, pour un chasseur, va aller dodo ou va faire quoi que ce soit, on le transforme instantané rechange forme, c'est-à-dire que le druide fait un double change forme avec juste le GCD, en fait. Vous place juste un petit éclair, enfin un petit éclat lunaire entre temps, hein, histoire de, puis rechange forme, puis vous cyclone, alors que le mec focusait l'autre personne, vous voyez ? Je trouve ça un petit peu abusé. Vous voyez, c'est le truc que je trouve un petit peu dégueulasse. Surtout, par exemple, je donne un exemple du chasseur puisque je le joue. C'est que des add-ons peuvent fonctionner. On a aussi, par exemple, l'add-on bubule pour paladin qui fait claquer automatiquement la bubule un certain pourcentage de points de vie. Mais par exemple, ben, pour un chasseur, le FD automatique, super, ça sert juste à rien puisque bon, ça fait, les personnes sont souvent en ciblage persistant. On a aussi on a des add-ons qui pourrait nous servir à quoi, puisque tout le peu de CC que nous avons, il faut les placer à un certain moment donné, on peut pas juste les faire partir automatiquement, les pièges peuvent être souvent résistés, etc. Je veux dire, ouais, ça profite plus à certaines classes qui peuvent faire des CC qu'on serait obligé de dispel, entre guillemets. Et etc. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que bah, j'ai pu voir, même en duel, le DK, je fais un désengagement, mais à peine j'ai appuyé sur mon bouton désengagement que je me prends un grip, une poigne de la mort. Et quand je dis à peine, c'est à peine. Hein, j'ai à peine commencé à sauter en arrière que bam, j'étais déjà retiré vers lui. On peut, si on prend en compte quand même la petite latence entre les joueurs, il n'a même pas eu le temps de voir ça, que j'ai déjà été grip. C'est-à-dire, il y a quand même Anguille sous roche ou Adon sous clavier, j'en sais rien. Adon sous clavier. Donc c'est pas une rage, mais c'est que j'ai envie de dire, à ce moment-là, quand on veut faire, quand on fait, en guillemets, un truc où soyez les meilleurs, prouvez votre force, etc., bah, prouvez-la de manière crue, prouvez-la sans Adon, prouvez-la avec à la rigueur, peut-être un Adon d'interface, ça, on s'en fout, c'est un Adon esthétique, mais pas des Adon qui assistent, qui aident au jeu, qui augmentent les capacités du joueur. C'est un petit peu dégoûtant. Là, tu peux voir ça. Bon, je vais peut-être exagérer. Ça va peut-être faire mais qu'ils ont raconté comme conneries. Je verrai ça. Vous me direz un peu ça comme du dopage. C'est oui. Un peu. C'est ça. C'est un peu le fait de jouer. Tu joues. Tout le monde devrait être au même niveau. Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde sans Adam. Moi, j'en utilise. Bon, je suis un peu difficile du bulbe. Donc, faut bien que je quelqu'un mette quand même. Le joueur dans un tournoi, comment tout le monde est au même niveau, je veux dire, certains ont plus de capacités que d'autres, donc faut bien qu'il y ait un gagnant quand même, le plus fort soit le gagnant, mais faut pas que le plus faible soit forcément aidé avec des add-ons et tout, parce que là, ça, dans ce cas-là, c'est un peu comme du dopage électronique, quoi, on pourrait appeler ça comme ça. Donc il y a quelques années, je suivais les compétitions de Counter-Strike et de Warcraft 3 online, enfin les compétitions d'e-sport, et tu peux, enfin les joueurs ont pas d'add-on. Je vois pas pourquoi dans World of Warcraft tu aurais droit à des add-ons. Sur Guild Wars c'était pareil, y a pas d'add-on. Qu'il y ait des add-ons d'interface, ça, je suis d'accord, moi j'en utilise un, il est très joli et tout, ça change un peu, mais t'as pas le droit à avoir des trucs genre Gladius, des trucs pour les cooldowns, enfin. Voilà, tout le monde au même niveau. Tu utilises l'interface qui a fait Blizzard, elle est déjà assez bien comme ça. Moi, je l'ai modifiée pour mon plaisir personnel. Mais tu peux très bien te débrouiller. Le Circle le fait très bien. C'est pas forcément, je dirais pas, c'est pas forcément le meilleur joueur du monde. C'est un très bon joueur de PvP. Mais il se débrouille très bien avec. Il joue avec sa souris. Alors ça m'a bien fait marrer. C'est les gars qui jouent que par le clavier. Je joue au clavier. Mais je dois dire bravo à ceux qui jouent à la souris. Ça veut dire qu'ils sont encore meilleurs que ceux qui jouent au clavier, hein. Juste pour vous dire. Donc, c'est une façon. Bah, en fait, pour dire, c'est les seules fois où je joue au clavier, les seules fois où j'ai eu joué au clavier, ça date de Naxxramas 60, en fait, où on était en first try sur des boss très difficiles, où là il fallait vraiment être au top, et là j'avais pas des add-ons de bien sûr des add-ons de jeu, mais j'avais des add-ons de cooldown pour montrer certains cooldowns, oui. Et j'avais beaucoup de beans au clavier parce qu'il y avait quand même beaucoup de déplacements tactiques et qu'il fallait continuer à fournir un DPS ou des CC ou quoi que ce soit. Là, je dis pas, voilà, mais le problème... Ça. Le truc, je trouve que c'est que... En PvE, on est dans une dynamique de groupe où, de toute façon, quand tu utilises des add-ons, c'est pour le bien commun, on va dire, quelque part. Même si je dirais que, par exemple, utiliser un add-on comme Healbot, c'est un exemple. Hein. Après, on va pas trop aller profondément dans le débat. Ouais. Mais je veux quand même dire, c'est un exemple. Il y a des add-ons d'aide personnelle des trucs qui nous aident au leveling, qui ont d'ailleurs par la suite les systèmes Quest Helper. GPS, voilà, Quest Helper qui ont été même intégrés dans le jeu. Il y a ça, ok, je dis pas parce que c'est personnel. C'est pas et les trucs de PVE, c'est contre environnement. Tout le monde peut, en guillemets, y avoir accès et c'est contre l'environnement. Ça facilite pour tout le monde. Et même là, je dirais qu'il y a des add-ons qui ont bien fait d'être interdits et d'autres devraient être aussi interdits. Joueur contre joueur, non, je suis désolé. Là, autant en PVE, ça aide à l'expérience du groupe ou du raid et ça, c'est dans un but commun, autant en PVP, les add-ons qui améliorent votre expérience de jeu nuisent à l'expérience des autres joueurs. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur ça. Enfin, bon, je pense qu'on va fermer la parenthèse maintenant parce qu'au niveau des add-ons, on est tous plus ou moins d'accord. Enfin, moi, c'est vrai que j'étais très surpris de pouvoir laisser une telle possibilité. L'e-sport, c'est tes capacités, hein. C'est pas des capacités à gérer les add-ons, en fait, enfin, de mon point de vue, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tout à fait. Et bon, je propose que d'ici quelques temps, on ouvre peut-être un débat animé avec des auditeurs, parce que je sais qu'il y en a qui seront pro et contre les add-ons, pour ou contre peut-être. Ouais, tout à fait, on reviendra vers vous justement à ce moment-là. Bah, en tout cas, JP, Circle Amandine, merci pour votre temps. Une petite dernière chose pour finir, si vous voulez connaître... Amandine dans son intimité pendant qu'elle fait du PVP. Elle est sur son blog. Ah ouais, et je vous conseille franchement d'aller sur son blog qui est www.tian.fr pour découvrir son strip sur le PVP qui m'a littéralement fait mourir de rire. J'étais franchement tenté de le mettre en news sur le site de Wotaku. Bon, après, je me suis dit, non, il va être un peu long le truc, mais c'est vrai que ça rentrait vraiment en compte. Et ouais, je vous conseille d'aller regarder, j'étais mort de rire hier quand je l'ai vu, ou ce matin, je sais plus. Je crois qu'on est tous un peu pareil, hein. Franchement. Ça me rassure quelque part. Ouais. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et un conseil donc que j'avais déjà donné, nous ce qu'on arrive à faire un petit peu chez Wotaku, c'est quand vous partez dans le but de faire du PVP, même en arène ou quoi qu'il soit, pour vous amuser, essayez de rester dans cette optique, essayez de continuer à vous amuser, voilà, rigoler de votre nullité à la rigueur, d'où c'est ce qu'on fait, je veux dire, voilà, on en rigole, on a fait même Amandine qui faisait du killing, c'était rigolo, on a réussi à trouver de quoi rigoler, et par contre, si vous voulez aller dans le but d'être sérieux, etc., trouvez des gens qui ont la même optique que vous, restez quand même calme et préparez-vous toujours bien, entraînez-vous. Je veux dire, il y aura toujours plus fort que vous, il y aura toujours plus cheaté que vous, il y aura toujours peut-être plus sadique que vous. Je veux dire, voilà, c'est comme ça le PVP. Hein. Ouais, ne finissez pas comme le petit Allemand devant Unreal Tournament. À s'énerver sur son clavier. Bon, ben voilà, pour notre part, notre passe à Rennes, donc notre présence sur ce serveur se termine donc ce mercredi 9. Oui, c'est ça, juin. Donc, en tout cas, on va souhaiter bonne chance à tous ceux qui sont encore en place et tous ceux qui font la compétition e-sport. On leur souhaite bonne chance. Et tous les autres, je pense que vous avez des sites spécialisés justement pour suivre en direct. Et notamment, je crois que sur le site de Blizzard, il y a quelque chose de particulier là-dessus pour suivre un peu l'évolution des matchs, non ? Oui, je pense. On ne manquera pas de toute façon de communiquer les résultats du Pass Arena 2010. Oui, bien sûr. Enfin, nous, on a notre couverture, on va dire, s'arrête quand même là, en gros, mais ça ne nous empêche pas de relayer quelques informations qui vont ensuite apparaître là-dessus. Bien entendu. Voilà. Écoutez, je vous laisse retourner donc, sur le Pass Arena, Circle Amandine JP, sur vos dernières heures. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Circle. Je suis déjà reparti sur le Pass Arena. Bonne fin de podcast. Allez, salut à tous. Ciao. Bye bye.